19h sur Radio Arc-en-Ciel. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver dans ces conditions, on va dire, quasi hivernales. C'est pour ça que 2 heures de métal, ça va vous réchauffer l'atmosphère. Ça, il ne fera même pas faire chaud. Ça va être torride, comme toutes les semaines d'ailleurs. Donc, cette semaine, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, des nouveautés au nombre de 4. Comme toujours, on va faire un survol de tous les genres et sous-genres qui composent notre style de musique préféré. Avec quelques petites surprises et puis des choses un petit peu plus anciennes aussi en fonction de l'actualité. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Bien au chaud? Eh bien, tant mieux pour vous parce que ça va vraiment chauffer très dur comme je vous le disais. Donc, on va commencer tout de suite. Eh bien, pour réchauffer l'atmosphère, on va faire un tour du côté de Toulouse. Retrouver donc le groupe Ten Fate et son dernier album Holy Deformity qu'on vous a déjà passé pas mal de fois. Et Ten Fate, ils seront en concert vendredi soir chez nous à Orléans au Dropkick pour une soirée apparemment pure brutal death qui promet vraiment d'être très très chaude. Donc, extrait de cet album, c'est Filth of Life. Venu de Pennsylvanie, c'était Suicide Puppets qui nous présentait son nouvel EP Beyond the Veil. Ben, ça, c'était une des nouveautés la semaine dernière. Là, ce que vous avez eu droit ce soir pour vous décrasser les esgourdes, c'était le morceau Sinner. Juste avant, par contre, bien de chez nous, Made in France, venu de Toulouse, Tempt Fate et son nouvel album Holiday for Mitty avec le morceau Fist of Life. Et je vous rappelle que donc, Tempt Fate, si vous avez envie de voir une soirée death metal, et ben, pour ça, il faut aller au Dropkick vendredi soir où Tempt Fate sera donc à l'affiche avec d'autres groupes du même acabit. Puisqu'on parle de concerts, mardi prochain, à La Cigale à Paris, il y a un groupe que personnellement j'adore pour avoir vu plein de fois et qui est vraiment une tuerie sur scène, c'est Hellstorm. Alors Hellstorm, bah, leur concert est archi complet, malheureusement, pour ceux qui veulent y aller, ça c'est trop tard. Pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, on va se faire le morceau titre du dernier album sorti l'année dernière et qui est vraiment une pure merveille, c'est Back from the Dead. In the dark. Blackstone Cherry avec le morceau de Mess You Made, extrait donc dernier album Screaming at the Sky, et Blackstone Cherry bah, qui sera à l'affiche du Hellfest cette année. Oui, ça y est, l'affiche des 179 groupes est maintenant communiquée et Blackstone Cherry donc fait partie donc des heureux élus. Eux aussi seront en concert prochainement, bah, c'est mardi prochain, c'est Hellstorm, ce sera à la Cigale, et on a eu le morceau Back from the Dead, extrait du dernier album, qui porte d'ailleurs le même titre. Alors là maintenant, si vous êtes le, si vous avez le cœur sensible, je vous demanderai de baisser le volume de votre transistor, parce que la première nouveauté qui va suivre, c'est du costaud, c'est du black metal. C'est le deuxième album d'un groupe qui s'appelle Lunar Thornfields. Celui-ci, cet album qui est sorti début octobre, s'intitule A Narrow to the Sun. Alors c'est black metal avec des atmosphères assez cinématographiques. On passe d'un côté lourd à des brutales accélérations avec des passages presque oniriques. Enfin, il y a plein de choses intéressantes pour tous ceux qui aiment ce style. Et il y a d'ailleurs deux titres qui sont chantés en français, comme par exemple celui qui va suivre maintenant, qui s'appelle Le Chant des Tombes, de tout un programme. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Je vous signale que Electric Shock ainsi que Radio Arc-en-Ciel déclinent toute responsabilité en cas d'AVC, attaque cardiaque ou je sais pas moi, enfin bref, tout le dommage qui peut arriver, voilà, nous déclinons toute responsabilité. première nouveauté de la semaine, donc Lunar Tomb Fields, son deuxième album An Arrow to the Sun. C'était le morceau Le Chant des Tombes. Et si vous êtes amateur de black metal, bah vous les avez peut-être vus récemment puisqu'ils sont passés au Dropkick à Orléans. C'était le 28 octobre dernier, si je mes souvenirs sont bons d'après ce que j'ai cru voir sur Internet. Changeons complètement de registre maintenant avec quelque chose d'un peu plus soft pour nous remettre de nos émotions. Et on va revenir à l'album de Baroness Stone que je vous ai présenté la semaine dernière avec le morceau Last Word. Et tout d'abord, la petite intro, Embers. I lost my senses. Baroness avec Last Word, donc extrait de Stone avec la petite intro acoustique Embers. Est-ce que ça vous dirait maintenant de faire un petit tour au Japon? Bon, moi je pense que ça peut être une bonne idée. On va retrouver donc les charmantes japonaises de Love Bites avec leur nouveau live intitulé Knocking at Heaven's Gate Live in Tokyo 2023, là, qui est sorti au mois d'août au Japon, mais qui vient de sortir chez nous. Donc extrait donc du, c'était le premier concert du groupe depuis le confinement et le retour avec un nouvel album. Allez, comme on n'est pas chien dans Electric Shock, on va pas faire un, mais deux morceaux. Tout d'abord, Break the Wall. Enfin, je pense que le titre est différent en japonais, c'est parce que je ne comprends pas du tout ce que le chantent les jeunes filles. Allez, on vous envoie ça. petit séjour à l'Empire du côté de l'Empire du Soleil Levant, avec donc deux extraits du live de Love Bites, Knocking at Heaven's Gate, live in Tokyo 2023. À l'instant, Dancing with the Devil et en ouverture, Break the Wall. Donc, tous deux extraits donc du double live qui est sorti début novembre. Eh bien, du Japon maintenant, retournons chez nous à côté d'Orléans. Parce que samedi soir, si vous ne savez pas quoi faire et que vous avez envie d'écouter du rock, eh ben, faut faire un tour à Rebrechien. Un salle polyvalente où l'ami Arnaud Walden organise une soirée support au Rock in Rebreche qui aura lieu donc cette année le 25 mai prochain. En attendant donc il fait un petit concert gratuit, l'entrée est gratuite. Donc restauration sur place, buvette et tout ce que vous voulez. Il y a les groupes suivants, il y a Blues Revenge, il y a We and Guys, un groupe de reprise, et aussi Arnaud Walden qui sera à l'affiche. Donc il y a également, je crois, une tombola avec des lots à gagner. Donc voilà, si vous, samedi soir, vous avez envie de passer une bonne soirée rock'n'roll, voilà ce qu'il vous reste à faire. Et bien pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de cette soirée, on va se faire un extrait du deuxième album d'Arnaud Walden, son deuxième, Seas Where It Leads To. space that makes a place where dots are no limits. Everyone depends on me to explore the gallery. And I know the fella's in my hands. I have landed on so many moons. Save my sisters, I keep them down. Till hypersleep falls out and lies. And I know the fella's in my hands. Extrait du dernier album de The Redshift Empire, New Horizons, sorti début novembre. Et juste avant Redshift Empire, c'était Arnaud Walden avec le morceau « See, this is where it leads to », extrait de son deuxième album intitulé tout simplement « Tout », qui était sorti en 2015. Et Arnaud Walden, qui, je vous rappelle, sera en concert lors d'une soirée support au Rock in Rebrech, justement à la salle polyvalente de Rebrechien, en compagnie de Will and Guys et de Blues Revenge. Donc, je vous rappelle que c'est gratuit, avec buvette et restauration, donc soirée rock and roll blues pour tous ceux qui aiment ce genre de musique. Je sais que vous êtes nombreux parmi vous. À propos de blues, tiens, c'est ce qui va suivre. Ça va être la deuxième nouveauté de la soirée, un groupe qui s'appelle K and the Blue Devils, qui existe. C'est un groupe qui existe depuis 2011. Alors à l'origine, c'est plutôt un duo en fait, composé donc de Carole, la chanteuse, alias K, et du guitariste Jeff Rebsamen, qui donc sont unis à la scène comme à la vie. Ils existent depuis 2011 et c'est leur amour du blues et du rock qui les a fait se dire que ce serait sympa de faire quand même quelque chose dans ce style. Ils ont sorti déjà un album et leur deuxième là vient de sortir récemment, fin novembre. Donc, croyez-moi, avec deux albums en simplement en ce laps de temps comme assez important, ça veut dire que les morceaux doivent être sacrément rodés. Alors, c'est du blues moderne, un mélange de rock, de soul, de funk, enfin, il y a plein de bonnes choses dedans. Enfin bref, c'est le genre de groupe qui vous laissera pas indifférent. C'est sûr que ça donne qu'une envie, c'est de bouger, d'aller boire une bière dans un rad vraiment super sympa. Le seul reproche que je ferais, c'est que la chanteuse a une voix rauque et puissante comme il faut pour chanter ce style. Ça, il y a pas de problème. Par contre, son accent anglais me fait quelque peu hérisser le poil par moment. Heureusement qu'il y a quelques morceaux où elle chante en français. Et là, ça va nettement mieux. Peut-être qu'il aurait peut-être mieux valu que tout l'album soit ainsi. Enfin bref, voilà. Extrait donc de ce deuxième album qui s'appelle Anywhere. Allez, tout de suite. C'est Halley Blues. get away from it all. Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est bien Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Voilà, c'était tout cool. C'était un petit retour au nouvel album de Robert John and the Break, Riding to the Light. C'était le morceau Who Can Love You. En nouveauté, juste avant la deuxième, c'était le groupe K and the Blue Devils. Et ouais, un petit clin d'œil peut-être à l'ancien bar d'Orléans. et leur deuxième album Anywhere, et c'était le morceau Halley Blues. Encore une nouveauté maintenant, la troisième de la soirée, avec un groupe qui vient de la région parisienne et qui officie d'un registre là beaucoup plus méchant. Alors tout le monde dit, enfin, quand on lit les critiques, que c'est que métal progressif. Enfin moi, ce que j'appelle métal progressif, c'est groupe Dream, genre Dream Theater, ce genre de choses. Or que là, on est quand même plus proche de texture, de périphérie. D'accord, c'est technique, ça joue, mais il y a un côté quand même assez méchant aussi, on peut penser un petit peu au premier EPF. Enfin, toujours est-il que pour ce groupe qui existe depuis 2021, c'est leur premier EP autoproduit, qui s'intitule The Circle. Alors, c'est pas mal du tout, même si je trouve que, c'est un peu brouillon et qu'il y a des choses qui auraient peut-être mérité d'être un peu plus concises. Enfin, bref, à suivre. Ils sont tout jeunes, ils ont encore tout l'avenir devant eux. Donc, extrait de ce EP, ça s'appelle Follow the Darkness. aussi glauque et morbide le monde de In This Moment, comme on peut le constater sur ce morceau Army of Me, extrait donc de God Mode, le dernier opus sorti récemment. Eux, par contre, ils sont tout nouveaux sur la scène musicale, puisque c'est leur premier EP, les Parisiens de In, sous-entendu Hell is Nothing. Ce EP qui s'appelle The Circle, c'était Follow the Darkness, et donc c'était la troisième nouveauté de la soirée. Revenons à quelque chose de plus rock'n'roll dans la série Faisons du neuf avec du vieux, je voudrais Motorhead, avec la réédition de Another Perfect Day, donc l'album le plus décrié de la carrière de Motorhead, est ressorti donc en version donc remasterisée avec des bonus, un CD live inédit. Et ce soir, ce qui va nous intéresser, c'est justement les bonus inédits. Car sur au dos de l'album figurent aussi quelques versions démo de quelques morceaux donc du dit album. Donc pour ce soir, je vous ai choisi un morceau qui est intitulé Fast One, qui est en fait une des premières moutures de Die You Bastard, dans une version quasiment définitive. Et pour un son d'une démo de l'époque, bah ouais que ça le fait. Hein. Yeah. land. Peu de rock énervé, bien chez nous, Made in France, avec le nouveau Stubora écorché vif, et là c'était le morceau Venin. Avant Venin, c'était Motorhead avec le morceau Die You Bastards, enfin pas tout à fait, puis une version, on va dire, démo avant, du morceau qui s'intitulait donc Fast One, et donc ça fait partie donc des bonus qui figurent sur la réédition de l'album Another Perfect Day, album mythique, qui a 40 ans maintenant. Et bien on va se faire maintenant la quatrième et dernière nouveauté de la soirée. On va rester en France. On va faire un petit tour dans l'est de la France. On va aller du côté de Reims. On va trouver un groupe qui s'appelle Kaesarian, qui existe depuis 2020. Et là, c'est déjà leur deuxième EP. Alors, on va dire que c'est mélange de pas mal de choses, hein, du rock alternatif. Hein. Je sais que ce terme, ça veut tout dire et rien dire, parce que bon, bah, eux, ils le disent eux-mêmes, ils sont aussi bien inspirés que par Rival Sons, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Noir Désir, enfin, donc plein de choses. Enfin, toujours est-il que c'est quand même assez péchu quand même pour ce deuxième EP, donc qui s'appelle Else Home, et je vous invite à découvrir le morceau de ce soir qui s'appelle donc Witch. Lizatid, dont c'est l'acronyme de Life is Shit and Then You Die, qui est d'ailleurs le nom de leur premier EP sorti fin septembre. Groupe qui vient donc de la région parisienne, et c'était le morceau German Dinosaur. Avant Lizatid, c'était donc la dernière, la dernière nouveauté de la soirée avec un groupe qui nous viendra. C'est son deuxième EP, Hell's Home. Le groupe, c'est Kazerian, et le morceau qu'on a eu, c'est Witch. Eh bien, il nous reste encore, une vingtaine de minutes avant de terminer l'émission. On va se faire du pur heavy metal en attendant le nouveau Judas Priest qui va sortir au mois de mars. Et bien, on va revenir au Judas Priest bis, c'est-à-dire le KK Priest qui est sorti là au mois d'octobre, le deuxième, avec toujours Tim Owens au chant. The Sinner Rise Again, c'est le titre de l'album. Et le morceau de ce soir, c'est Wash Away Your Sins. Donc, ambiance priestienne garantie, comme toujours. Bien épique qui n'aurait pas dépareillé sur un album de Judas Priest, remarqué, il n'y a rien d'étonnant, puisque Keke Downing a fait quand même partie du groupe entre 1969 et 2010 quand même, donc il a marqué de sa patte le groupe et il entend bien le faire savoir sur The Sinner Rise Again, son deuxième album. Changeons de registre, restons dans les 70s avec le EP de Rival Sons, Lightbringer, et allons faire un tour de ce qui se passe avant le feu, puisque c'est Before the Fire. superbe, il n'y a pas à dire, vraiment superbe. C'est pour ça d'ailleurs que ça fait partie des coups de cœur de l'émission. Le nouvel EP de Rivalson, Lightbringer, c'était Before the Fire. On change encore de registre avec un petit peu de métal symphonique. Et pour ça, on va revenir au premier album de Octavius Lupus. Un premier album où il y a quand même quelques petites choses quand même à corriger. Un petit manque d'originalité, certes. Enfin, il faut dire que ce créneau est quand même pas évident à faire. Enfin, il y a quand même du potentiel. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre ce soir? Morceau tragédie? Allez, pourquoi pas. C'est parti. We'll be right back. Octavius Lupus avec le morceau Tragedy, donc extrait de leur premier album éponyme. Il nous reste un petit peu plus de 5 minutes, donc on va se faire un dernier morceau pour terminer l'émission. Et on va revenir au deuxième album de Black River Sons, donc mélange, on va dire, du classic rock moderne. On va se faire un extrait de l'album Skins et on va terminer avec le morceau qui donne son titre à l'album. We'll be right back. The Black River Suns. Voilà, ce sera donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Mais restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel parce que Electric Shock, c'est peut-être fini, mais la musique continue. Pour tous les amis nightclubbers, un Christophe succède à un autre Christophe. Electrolyse, ça va être pas maintenant. Salut Christophe. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Que proposes-tu à nos auditeurs ce soir? Un cocktail de house techno avec un zeste de dance et de tech house. Voilà, un bon petit melting pot quoi. Ouais. Voilà, donc restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel, la musique, le before the weekend, c'est tout de suite maintenant avec Electro Live et Christophe. Salut à tous. Je suis au platine, tout de suite.